Ce panneau annonce la proximité d'un pont mobile. La circulation peut être interrompue par une barrière et des feux rouges.